بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. لونجا الله pour cette nouvelle assise avec laquelle il nous a comblé سبحانه وتعالى. Et لونجا الله pour ce confinement qui nous permet de faire le point avec nous-mêmes et qui nous rappelle l'immensité de la miséricorde d'Allah سبحانه وتعالى et qui nous fait rendre compte de la puissance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons faire en sorte, frères et sœurs en Allah azza wa jal, que notre journée ne soit pas comme a été notre soirée d'hier, et que notre présent ne soit pas comme notre passé. Ce qui est passé ne reviendra pas, et ce qui va venir peut-être on ne le verra pas. Qu'on accomplisse ce qu'on doit accomplir au moment où il doit être accompli, et comme il doit être accompli, et qu'on ne perd pas notre temps, qui est en réalité notre capital. Et le doué de raison parmi les commerçants agit toujours de sorte pour ne pas perdre son capital. En Allah subhanahu wa ta'ala, et sur Allah subhanahu wa ta'ala, la perfection absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala a partagé le temps que nous vivons en année, en mois, en jour, en semaine, en heure et en saison. Et les jours, les semaines, les mois, les saisons, les années passent très vite. En réalité, les jours, les mois et les années qui passent, c'est une diminution de ce capital qu'Allah nous a octroyé. Chaque instant qui passe nous rapproche du rendez-vous que personne ne ratera et que personne va rater. Et à cause de l'insouciance, beaucoup se projettent dans l'avenir avec des souhaits, avec des buts qu'ils espèrent atteindre. Mais la réalité de la vie, c'est que nous passons d'une étape à une autre étape, de la vie de ce bas monde à la vie du Berzakh, qui est le monde intermédiaire entre l'au-delà et ce bas monde. Et puis quand Allah subhanahu wa ta'ala le voudra, ce sera l'au-delà. Et dans la succession du temps, il y a des leçons à retenir pour ceux qui sont doués de raisons saines. قال عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. La traduction approximative du sens du verset, c'est lui qui a fait que les nuits succèdent au jour pour que ceux qui veulent se rappeler et veulent pour ceux qui veulent se rappeler et qui veulent être reconnaissants. C'est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit suit le jour suit la nuit. Pourquoi? Pour se rappeler la grandeur d'Allah et pour se rappeler le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et pour être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui est doué de raison et qui est digne du conseil pour lui-même, cette succession des jours et de la nuit suscite en lui le rappel de la majesté de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et le motive à être reconnaissant à son Seigneur et lui rappelle le retour imminent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour débute, il se termine, il en est de même de notre vie. Hier nous avons passé le mois de Rajab, c'est une histoire de notre passé, et aujourd'hui on est le troisième jour du mois de Sha'ban de l'an 1441. Hier, nous étions au début de l'année de l'Hégire. 8 mois se sont déjà écoulés, il en est de même de notre vie. On ne sait pas quand on a rendez-vous avec l'ange de la mort, et on ne sait pas dans quel lieu ça va être. قال عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت. La traduction approximative du sens du verset, aucune âme ne sait où il va mourir. وقال عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Et la traduction approximative de ce deuxième verset, quand leur terme arrive, ils ne peuvent pas le retarder d'une heure ou l'avancer d'une heure. Ils ne peuvent ni le retarder ni l'avancer. La mort, frère en Allah, Azza wa Jal et sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, ne fait pas de différence entre le petit et le grand, le jeune et le vieux. Des fois, il y a dans la famille un centenaire, et la mort vient et prend un nourrisson ou un jeune dans le printemps de sa vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas retarder les œuvres du matin jusqu'au soir. Il ne faut pas retarder aussi les œuvres du soir jusqu'au matin, car ça gênera notre avancée, et on ne sait pas si, quand on retarde nos œuvres, on ne sait pas si on va vivre, autant on veut les retarder. Regardez un exemple qu'un jour nous a donné un homme de science, qui donne ce qui est une image de celui qui s'occupe de son temps, qui ne le perd pas, et de celui qui le perd. Il dit, on voit dans les étudiants à l'université des gens, des frères qui sont à l'aise avec les hommes de science et qui assistent à tous les cours, et d'autres qui sont à la traîne. Il dit, quand on discute avec, on trouve que ceux qui sont à l'aise, ils ont maîtrisé les fondements avant d'arriver à l'université. Que ce soit au niveau de la mémorisation du Coran, au niveau des mutuna mémorisés, etc. Il dit, quand ils arrivent, ben ils n'ont que le temps que d'assister aux assises des hommes de science, ils en profitent comme il se doit. Il dit, d'autres sont à la traîne, pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu du temps avant, dans le passé, et maintenant qu'ils ont pris le large, ils ont des trous dans la barque, et au lieu d'être là assidus au cours des ondes de science, etc., ben ils sont obligés de rattraper le temps perdu en restant chez soi pour apprendre les motouns qu'ils n'ont pas pris, pour apprendre les fondements qu'ils n'ont pas pris, et donc c'est comme quelqu'un qui a pris le large, et dans le bateau il y a plein de petits trous, il est en train d'être occupé par leur maître du mastic pour ne pas couler. Ah, quand on perce le temps, ben il est évidemment que ça va dégénérer sur le temps qui suit après, parce que les choses qu'on n'a pas accomplies hier, il est évidemment que ça va être une gêne pour aujourd'hui. Hein? S'il faut les rattraper, etc. قال عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. Et aussi, frère en Allah, عز وجل, il y avait un de nos pieux prédécesseurs, رضوان الله عليهم, qui disait concernant le demandeur de science, il dit, quand il prend le large, quand le demandeur de science se marie, il a pris le large. Il a pris le large avec une barque. Il dit, quand il a des enfants, sa barque va couler. Cela veut dire que il faut pas laisser le temps avant qu'on soit occupé par la femme, par les enfants. Ce temps-là, il fallait pas le négliger. Il fallait en profiter de la meilleure des façons. Hein? Pour ne pas avoir à le regretter. قال عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. Le verset nous dit ceci, c'est Allah qui a fait que La nuit succède au jour pour ceux qui veulent se rappeler et ceux qui veulent être reconnaissants. Se rappeler quoi? Se rappeler quoi? Il ne l'a pas cité, car il y a beaucoup de choses qu'il faut se rappeler. Il faut se rappeler l'immensité de la création d'Allah. Il faut se rappeler la perfection de cette création et l'harmonie entre ses composantes. Il faut se rappeler, il faut se rappeler ce qui nous attend dans l'au-delà. Et se rappeler aussi qu'on n'a pas été créé en vain, on n'a pas été créé pour les plaisirs mondains, on n'a pas été créé pour jouer pour les plaisirs. قال عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Dans le verset là, il est dit, est-ce que l'être humain croit qu'il est libre à lui-même, qu'il ne va pas recevoir d'ordre, hein, et qu'il ne va pas lui être ordonné des choses, et qu'il ne va pas lui être interdit des choses, et qu'il ne va pas arriver devant Allah le jour de la résurrection? Abadan. On a été créé pour mettre en application les ordres, pour s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Et, aussi, la chose importante qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va se représenter devant Allah, Azza wa Jal, le jour du jugement. On est soumis au jugement d'Allah. Et soumis à mettre en application ses ordres et s'abstenir de ce qu'il a interdit. Qu'on regarde, faisons Allah Azza wa Jal, comment on a passé ce qui est passé dans notre vie, comment il a été notre passé, et qu'on profite comme il se doit de ce qui nous reste, et qu'on implore Allah de nous aider à bien profiter et utiliser le temps qui nous reste dans son obéissance. Méditez le dua de notre messager alayhi salatu wassalam. Waj'al al-hayata زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, il fait que la vie soit une augmentation de mon bien et ma mort me soit un repos du mal, soit un repos du mal pour moi, et ma vie soit ce que je vis encore, soit dans l'augmentation du bien. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Oh Allah, ne fais pas que ce bas monde soit notre principal souci, ni le but de notre savoir. Et nous devons bien réfléchir au temps et se rappeler la grandeur d'Allah et se rappeler qu'on va être devant Allah et être reconnaissant à Allah, Azza wa Jalla, la reconnaissance et l'application de taqwa, c'est le fait de mettre en application ses ordres et de s'abstenir de ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala. Et revenons au sujet de notre assise, qui concerne les mérites du mois de Sha'ban. Et voici un certain nombre de hadiths faibles et inventés qui n'ont aucune source, les remontant au messager alayhi salatu wassalam, et auxquels s'attachent les innovateurs de tout genre, qu'ils soient soufis ou autres sectes, comme les frères musulmans et leurs similaires, qu'Allah nous en préserve. Le premier hadith, « Khamsu layalin, la turaddu fihinna da'wa, awwalu laylatin min rajab, wa laylatun nisfu min sha'ban, wa laylatul jumu'a, وليلة الفطر وليلة النحر. جاء هذا في الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الضعيفة الألباني رحمة الله عليه. Voici le premier hadith parmi les hadiths faibles qui utilisent ceux qui innovent dans la religion d'Allah et qui innovent durant ce mois de Sha'ban. Il est donc dans ce hadith faible cité par Cheikh Nasr Din Al-Albani رحمة الله عليه dans la chaîne des faibles, durant ces cinq nuits le dua est exaucé. La nuit du premier Rajab, la nuit de la moitié de Sha'ban, la nuit du vendredi, la nuit de la fête qui clôture le mois de Ramadan et la nuit de la fête du sacrifice. Remarquez, ici que la nuit du destin n'est pas citée dans ce hadith. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, car certains croient que le Coran est descendu la nuit de la moitié de Sha'ban, et que c'est la moitié de Sha'ban qui est la nuit du destin. Et ceci est en contradiction flagrante avec le consensus. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est l'innovation. Et quand on a pris un chien comme guide, il ne fait pas si sûr les cadavres. Quand on a pris un corbeau comme guide, il ne fait pas si sûr le cadavre du chien. Le deuxième hadith, hadith Atani Jibril, فقال لي هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب ضعيف ضعفه الألباني في سنن بن ماجة وهو في العلل لابن الجوزي. Voici un autre hadith que Cheikh Nasser dit al-Halbani rahmatullah alayh, a dit que c'est un hadith ضعيف. Ibn al-Jawzi l'a cité dans l'Ilal aussi. Jibril est venu me dire cette nuit du milieu de Sha'ban, Allah sauve les gens de l'enfer au nombre des poils, des troupeaux, de moutons, de calbes. Calbes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande tribu arabe qui était des grands éleveurs. Hadith, le troisième hadith, Ya Ali, من صلى ليلة النصف من شعبان مئة ركعة بألف قل هو الله أحد قضى الله كل حاجة طلبها تلك الليلة ضعيف جدا. ذكره صاحب كتاب المنار أبي عبد الله محمد الحنبلي وجاء في كشف الخفاء للعجلوني. Le troisième hadith, ô Ali, celui qui prit la nuit de la moitié de Sha'ban son rak'at avec mille fois قل هو الله أحد, Allah lui donne tout ce qu'il demande cette nuit-là. Et c'est un hadith qui est faible. Hadith, man qara'a laylata nisf min sha'ban alfa marra, qul huwa Allahu ahad, ba'ata Allahu ilayhi mi'ata malak yubashiruna, da'if, ja'a fi mizan l'i'tidal ibn Hajar, wa ghayrih. Et le hadith qui dit, celui qui lit la nuit du milieu de Sha'ban, mille fois, qu'il est Allah Ahad, Allah lui envoie mille anges pour lui donner la bonne nouvelle. Et vous remarquez que dans l'innovation, des chiffres qui n'en finissent pas. Et des actes qui sont très lourds à accomplir. Alors que dans la sunna, il y a l'aisance, il y a la facilité. وكذلك حديث من صلى ليلة النصف من شعبان 300 ركعة وفي لفظ 12 ركعة يقرأ في كل ركعة 30 مرة قل هو الله أحد شفع في 10 قد استوجبوا النار ضعيف جاء في الخفاء للعجلوني. Et aussi le hadith qui dit, celui qui prie 300 rak'at la nuit du milieu de Sha'ban, et dans une expression 12 rak'at où il lit 30 fois qu'il est Allah Ahad, il sera autorisé à intercéder pour 10 personnes qui doivent subir le feu du châtiment. Regardez, cette lourdeur des actes dans l'innovation. Et le hadith qui dit Sha'ban Shahri Da'if, Silsila Da'if al-Albani, Sha'ban c'est mon mois, c'est un hadith faible. Il est cité dans la chaîne des faibles de Cheikh Nasser Dil Albani rahmatullah alayh. Hadith Man ahya laylati, Man ahya laylati al-Eid, Wa laylat nisf min Sha'ban, Lam yamut qalbuhu, Yawma tamutu al-Quloub. الإصابة لابن حجر وميزان الاعتدال الذهبي والعلل لابن الجوزي. Et le hadith aussi qui dit, celui qui veille à l'accomplissement des prières nocturnes durant les deux nuits des fêtes, c'est-à-dire la nuit du, hein, la veille du, la clôture du mois de Ramadan et la veille de la fête du sacrifice. Et la nuit du milieu de Sha'ban, son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs mourront. C'est un hadith qui est faible aussi. C'était pas dans l'Isaba ibn Hajar, dans Mizan al-I'tidal al-Dahabi. Remarquez encore une fois, pas de nuit du destin. L'innovation, sache la sunna et prend sa place. Et aussi le hadith man ahya al-layali al-khams wajabat lahu al-janna, laylat al-tarwiya wa laylat al-arafa wa laylat al-nahr wa laylat al-fitr wa laylat al-nisf min sha'ban. Da'if, targhib wa tarhib lil-albani. Et aussi ce hadith qui est da'if, cité dans targhib wa tarhib, l'imam al-albani rahmatullah alayhi, qui dit « Celui qui veille en prière nocturne, ces cinq nuits aura le paradis. » La nuit du 8 Dhul-Hijjah, c'est-à-dire la veille où les gens vont partir à Mina. Et on sait que cette journée-là, c'est une journée difficile pour les pèlerins. Regardez ce hadith, il leur impose, hein, les prières nocturnes. Donc la nuit du 8 Dhul-Hijjah, la nuit, la veille, du départ pour Arafat, là aussi c'est leur impose des efforts alors qu'il les attend une journée qui est difficile. La veille du sacrifice, la veille, hein, de la fête qui clôture le mois de Ramadan et la veille du milieu de Sha'ban. Tu remarques encore une fois, hein, la nuit des destins n'est pas citée. Hadith Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban وبلغنا رمضان جاء في ضعيف الجامع الصغير للألباني. Et le hadith qui dit oh Allah bénis-nous Rajab et Sha'ban et fais-nous vivre Ramadan, c'est un hadith qui est faible, cité dans le jami' al-saghir de l'imam al-Albani rahmatullah alayh. Il en est de même du hadith fadlu shahri Sha'ban ka fadli ala sa'ir al-anbiya mawdou'. هاجا في الخفاء للعجلوني وتبيين العجب لابن رجب ولابن حجر وغيرهما. Et le hadith qui dit le mérite de Sha'ban, c'est comme mon mérite par rapport aux autres prophètes. C'est un hadith inventé. Et l'autre hadith qui dit إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها جاء في سلسلة الأحاديث الضعيفة والعلل ابن الجوزي. Et ce hadith faible cité par Cheikh Nasr Dil Albani rahmatullah alayh dans la chaîne des hadiths faibles et dans l'Ilal ibn al-Jawzi, ce hadith dit quand arrive la nuit du milieu de Sha'ban, veillez aux prières nocturnes et jeûnez sa journée. Et vous remarquez que dans aucun hadith cité jusqu'à maintenant a été cité la nuit du destin. Car la bid'a prend la place de la sunna, vu qu'il y a beaucoup qui croient, parmi ceux qui sont dans l'innovation, que la nuit du destin, c'est la nuit du milieu de Sha'ban. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, frères et sœurs en Allah, donner cette spécificité à cette nuit et à sa journée fait partie des grandes innovations de ce mois. Allahu al-musta'an. Et il est de notre devoir de nous limiter à ce que nous dicte la législation d'Allah en se cramponnant au livre et à la sunna selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs dont Allah alayhim. Et on doit s'éloigner des passions et des innovations dans la religion d'Allah. Malheureusement, autour de nous, une grande partie de la communauté ne trouve ses aises que dans les passions et les innovations. Wal'iyadu billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Il les oriente vers le chemin de la sunna. Il est rapporté, il est dit par Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, dans sa risala, Amr bil ma'ruf, wa nahi an al-munkar, ordonner le bien et blâmer le répréhensible. Il a cité, rahimahullah, ce verset. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Le verset nous dit ceci, et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions, sans preuve venant d'Allah, et Allah ne guide pas les injustes. Il dit, rahimahullah, l'origine des passions, c'est le fait de suivre ce que la personne aime et de fuir ce qu'il déteste. Et il dit, rahimahullah, dans cette même risala, dans un autre endroit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, certaines personnes, leur amour et leur détestation découlent de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils détestent, et non pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager aime, et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste et que son messager déteste. Et il a dit, rahimahullah, dans la même risala, le hawa, les passions, c'est l'amour et la détestation qu'il y a à l'intérieur de la personne. Et cela, l'être humain n'en sera pas blâmé, car il n'a pas le pouvoir dessus. Mais il va être blâmé, et il sera blâmé à cause du suivi des passions. Et puis, il a cité certains versets, et il a cité aussi ce hadith du messager, alayhi salam, trois qualités sauveront la personne. La crainte d'Allah en public et en privé, la modération dans la pauvreté et dans la richesse, et une parole juste au moment de la colère et au moment de la satisfaction. Et trois défauts font périr la personne: l'obéissance à l'avarisme, le suivi des passions et le fait d'être imbu de soi. Fin de citation des paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Ibn Taymiyyah a dit aussi dans un autre passage dans cette risala, on ne diverge pas sur le fait que la désobéissance motivée par les passions et les tentations de l'âme pour les pécunes de ce bas monde, éphémère est un grand péché, car il y a dans cela la transgression des limites d'Allah. Il dit, on ne diverge pas sur le fait que la désobéissance motivée par les passions et les tentations de l'âme pour les pécunes de ce bas monde éphémère est un grand péché, car il y a dans cela la transgression des limites d'Allah. Et cela est limité à la personne qui le fait. Il dit, rahimahullah, mais ce que nous devons savoir, qu'innover dans la religion d'Allah et d'avoir l'audace à immiscer dans celle-ci ce que le messager n'a pas enseigné est plus grave encore. Car ce crime est transitif, touche la religion et ne se limite pas seulement à la personne, mais il se propage dans la communauté. Et dans la même risala, rahimahullah, Cheikh l'Islam dit, suivre les passions dans les religions est plus grave que de les suivre dans les tentations. Car le premier, c'est la situation des mécréants parmi les gens du livre et les polythéistes. Et il a cité le verset, قال عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et il a cité le verset dont la traduction approximative nous dit ceci: mais s'ils ne te répondent pas à ta da'wa, sache alors qu'ils suivent leurs passions et qu'il est plus égaré que celui qui suit ses passions sans preuve d'Allah. Allah ne guide pas les injustes. Fin de citation. C'est pour ça, frère en Allah, Azza wa Jal, et sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que les savants considèrent tout homme de science qui divide la voie du livre et de la sunna, ils le considèrent faisant partie des gens des passions. Car celui qui ne suit pas la science du livre et de la sunna, il a suivi ses passions. Frère en Allah et sœur en Allah, Azza wa Jal, la législation d'Allah n'appelle pas à implorer Allah. La législation d'Allah subhanahu wa ta'ala n'appelle pas à implorer Allah pour dissiper les épreuves par les passions et par les innovations, comme ils n'appellent pas à se rapprocher d'Allah avec les innovations. Regardez l'audace de ceux qui transgressent un des grands fondements de la religion d'Allah, l'obéissance au gouverneur dans l'obéissance à Allah. Regardez-les, comment ils font sortir les gens, ils les font exposer à la maladie pour le fait de suivre leur passion, al-iyadu billah. On doit faire très attention en cette période de grandes épreuves à ne pas suivre nos sentiments. Et qu'on se rappelle la parole d'Ibn Hajar dans Badl Ma'un fi Fadli Ta'un, hein, l'aide pour connaître les mérites de, hein, des épidémies. Il dit, comme l'épidémie, les épidémies ne seront pas repoussées par les innovations. Les épidémies ne seront pas repoussées par les innovations. Et il a dit, rahimahullah, qu'à son époque, il y a eu une épidémie. Les gens se sont mis d'accord, hein, c'est-à-dire la masse et les ignorants, pour faire un jeûne collectif de 3 jours, pour dissiper cette épreuve, et après les 3 jours, ils se sont donné rendez-vous sur un terrain vague, et ils ont prié ensemble, et puis ils sont retournés chez eux. Alors qu'avant leurs actes, les morts par l'épidémie ne dépassaient pas la 40aine de morts par jour. Et avant la fin du mois où ils ont accompli leur innovation, le chiffre a grimpé pour atteindre les 1000 morts par jour et plus encore au Caire. Qu'on fasse très attention, frère en Allah, Azza wa Jal, et sœur en Allah, Azza wa Jal. Les épreuves ne se dissipent pas avec les innovations. Ils ne se dissipent pas avec la désobéissance. Hein? La dissipation des épreuves arrive par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on accomplit la religion selon le livre et la sunna avec la compréhension et selon la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, et non pas avec les innovations. Les éclatés de Tobor et les insensés et tous ceux qui suivent leur passion vont appeler à leur passion durant ce mois de mérite qui est le mois de Sha'ban. Et surtout, durant la nuit du milieu de ce mois, attention, ne vous faites pas emporter par la foule, ne vous faites pas emporter par les sentiments. La délivrance d'Allah ne s'obtient pas avec la divergence avec sa législation. Ne versatilisez pas dans la religion d'Allah et restez ferme et constant sur la religion d'Allah et endurez et patientez. Et méditez ce qu'ont dit vos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. Le Hafid ibn Hajar, dans Majmou' al-Rasa'il, la page 3, le tome 3, page 155, قال انتظار الفرج بالصبر عبادة فإن البلاء لا يدوم اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن الضر غير مؤبد واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف غدا. ابن رجب دي رحمه الله. Attendre la délivrance par la patience et l'endurance, c'est un acte d'adoration. Les épreuves ne sont pas éternelles. Patiente pour chaque malheur et renforce-toi et sache que le mal n'est pas éternel. Et endure comme enduraient les nobles, car ce ne sont que des épreuves passagères qui vont se dissiper demain. Fin de citation. وقال سفيان الثوري رحمه الله لا يذوق العبد حلاوة الإيمان حتى يأتيه البلاء من كل مكان. تاريخ بغداد المجلد السابع الصفحة 545. Médite aussi et apaise-toi avec les paroles de tes prédécesseurs dans l'âme. Médite cette parole de Sufyan al-Thawri qui a dit رحمه الله le soumis ne goûtera le goût de la foi qu'une fois qu'il subit les épreuves de tous les côtés. Fin de citation. Tu veux avoir le goût de la foi, le goût exquis de la foi. Hein? Tu seras éprouvé. Et qu'est-ce qui est demandé? patienter, endurer, car il y a dans la patience et l'endurance une récompense. وقال ابن رجب رحمه الله من فوائد الوباء والطواعين تقصير الأمل وتحسين العمل وليلقظة من الغفلة والتزود للرحلة بدل ما عن في فضل الطاعون. Dans son livre Les Mérites de Ta'un d'Ibn Hajar, il a dit rahimahullah, parmi les bienfaits des épidémies, c'est qu'ils limitent les souhaits de l'être humain. Ils lui font perfectionner les œuvres. Ils le réveillent de l'insouciance et le motivent à faire ses provisions pour le départ, c'est-à-dire pour la mort. وقال العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى في مجالس التذكير في الصفحة 353 قال رحمه الله لا نجاة لنا من التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن إلى علمه وهديه وبناء العقائد والأحكام والآذاب عليه والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد وصحة الفهم والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين. ابن باديس رحمه الله il dit dans Majalis Tadkir à la page 353 qui sont ce qui nous reste de l'interprétation qu'il a fait du Coran, rahmatullah alayh, ce grand homme de science algérien, rahimahullah, qui a donné beaucoup à la renaissance de la sunna en Algérie. Cet homme a enseigné le Coran, a expliqué le Coran du début jusqu'à la fin à Constantine, hein, et il disait, rahimahullah, aux gens, si je vous dis, venez avec moi, il y a l'ennemi là-bas, on va aller l'attaquer, vous allez venir tous. Et il dit, mais quand on vous dit, venez apprendre la religion, venez apprendre la science, il y a peu de gens qui vont résister. Et il a dit vrai, rahimahullah. Il a dit vrai, rahimahullah, parce que la demande a besoin d'un effort, de beaucoup d'efforts sur soi, d'endurer, de patienter. Et dans la parole que j'ai citée ici, il a dit, la seule issue que nous avons pour sortir de l'errance dans laquelle on se trouve et des différents châtiments que nous subissons, c'est de revenir vers le Coran, revenir vers la science du Coran, revenir vers les orientations du Coran et baser les croyances et les législations et les comportements sur le Coran, en cédant par la sincérité du but et la compréhension saine, et en cédant par la compréhension des savants ancrés dans la science, en suivant leur voie dans la compréhension de ce que veut le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Fin des paroles de l'érudit Ibn Baadis rahimahullah wa askanahu fasiha jannatih. Donc Allah subhanahu wa ta'ala suscite un petit effort concernant le rappel des mérites du mois de Sha'ban. Ce mois que nous devons accueillir avec le repentir et le passer dans la soumission à Allah et dans l'imploration de sa délivrance de cette pandémie, et se repentir. Le repentir, nous devons nous repentir, c'est que... Et le repentir est un acte essentiel dans notre religion. Nous devons le faire constamment pour avoir le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà, et pour être apaisé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Je rappelle à tous ceux qui ont des jours à rattraper du jeûne du mois de Ramadan, les frères et les sœurs, de se hâter à le faire pour jeûner un peu aussi de surrogatoire durant ce mois du Sha'ban. Écoutez l'importance du jeûne du mois de Sha'ban chez les savants. An Imran ibn Husayn, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qala lahu aw li akhar, asumta min sarar Sha'ban? Qala la. قال إذا أفطرت فصوم يومين رواه مسلم. Dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, le messager selon Imran ibn Hussein, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question ou à quelqu'un d'autre, il lui a dit: est-ce que tu as jeûné du milieu du mois de Sha'ban? Et il a dit non. Il lui a dit: quand sera terminé le jeûne du mois de Ramadan? Jeûne 2 jours. Rapporté par l'imam Muslim. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah قال: أشار القرطبي إلى فضيلة الصوم في شعبان، وأن صوم يوم يعدل يومين في غيره، أخذا من قوله في الحديث: فصم يومين مكانه، يعني مكان اليوم الذي فوتته من صيام شعبان. Et regarde maintenant la place que donnent les hommes de science aux jeûnes surrogatoires du mois de Sha'ban. Al-Hafidh ibn Hajar a dit que le Qurtubi rahimahullah, l'un des grands hommes de science de Malikiya rahimahullah, qui a une exégète du Coran, il y a autre chose comme livre, le Qurtubi a dit, Al-Hafidh ibn Hajar a dit que le Qurtubi rahimahullah a attiré l'intention sur le mérite de Sha'ban, et que le jeûne d'un jour de Sha'ban équivaut à 2 jours dans un autre mois. Et il a déduit cela du hadith du prophète alayhi salatu salam, où le prophète a dit: jeûne 2 jours à sa place, c'est-à-dire jeûne 2 jours à la place du jour que tu n'as pas jeûné pendant le mois de Sha'ban. Hein? Regardez cette forte compréhension qu'avait le pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Hein? D'où l'importance de se cramponner à la voix de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, d'être derrière eux et d'essayer de comprendre les fondements de ces voies et de les mettre en application et d'être dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer d'être dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ils étaient ces pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, si nous voulons avoir la satisfaction d'Allah, si nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe cette épreuve et les autres épreuves qui vont arriver. Est-ce qu'on ne dit pas dans chacune de nos prières, obligatoirement, obligé qu'on le dise, guide-nous sur la voie droite, hedina sirat al-mustaqim, bas sirat al-mustaqim, akh al-islam. Si on ne le prend pas dans ce bas monde, on ne risque pas de passer sur sirat al-mustaqim qui sera dressé sur le pont du Jahannam, qui sera un pont sur Jahannam. Il faut réfléchir à ça. Et Sirat al-Mustaqim, c'est la voie sur laquelle était Muhammad alayhi salatu wassalam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Si nous voulons avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, la suprématie et les honneurs dans ce bas monde et dans le delà, et les élévations dans ce bas monde et dans cela, il n'y a que ce chemin qui peut nous y amener. Rien d'autre que ça. Comme les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala ont compris cela. Et ils n'arrêtent pas de faire la guerre à cette voie. Mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, il saura. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, qui a envoyé son messager avec la science bénéfique et les bonnes œuvres pour qu'il domine toutes les religions, qu'on déplaise aux associateurs. Fa gloire à Allah et louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des disciples de Muhammad alayhi salatu wassalam, qui a fait de nous des soumis à lui. Nous devons être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir pour ce grand bienfait avec lequel il nous a comblés. Et il n'y a qu'à voir, regarder l'errance dans laquelle se trouve l'humanité et regarder l'aisance et l'apaisement dans lequel se trouvent ceux qui ont une aqidah saine, ceux hein, qui ont des croyances saines, comment ils sont apaisés, qu'ils savent que tout vient min Allah Azza wa Jal. Ils utilisent les moyens concrets et ils se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils se remettent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils font confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'a pas d'égal dans une époque où tout le monde est affolé, d'être apaisé, d'être tranquille. Hein? Ça, c'est une ni'ma min Allah Azza wa Jal qui n'a pas d'égal, que nous devons remercier. Nous devons être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance, c'est pas des paroles, c'est pas des dissertations. C'est la mise en application de ce que veut de nous Allah Azza wa Jal. C'est le fait de mettre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le veut Allah. Et avec des preuves venant du livre et de la sunna, en espérant les récompenses min Allah. Et c'est de s'abstenir ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Avec preuves venant du livre et de la sunna, en ayant peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Fasse Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, an yarfa' anna hadha al-bala' وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وانجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم من هذه البلاد سالمين غانمين اللهم اخرجنا من هذه البلاد سالمين غانمين اللهم اخرجنا من هذه البلاد سالمين غانمين سأله سبحانه وتعالى فقهنا وإياكم في دينه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا